Donc, je vais commencer en me présentant. Philippe Dumont, je suis un membre de Boréalisation. Boréalisation, c'est une jeune organisation environnementale installée ici même à Saguenay qui se consacre à la conservation en territoire boréal. On a, et puis je suis pas le seul, hein, j'ai deux personnes impliquées dans la Boréalisation. Il y a Olivier qui est membre administrateur avec Anouk également. Et puis, Boréalisation, on est une organisation qui se consacre à la conservation en territoire boréal. La façon dont on fonctionne, c'est qu'on a trois territoires identifiés comme prioritaires à la conservation. Rapidement, je les survole. Il y a le secteur des Montagnes Blanches, qui est un secteur à 300 km au nord d'ici. Donc, un des derniers grands massifs de forêt boréale intacte. Un endroit important, entre autres, pour le caribou forestier, une espèce à statut menacé au Canada. Donc, dans ce cas-ci, dans le secteur des Montagnes Blanches, on travaille en coalition avec d'autres grandes organisations environnementales pour obtenir une grande aire protégée dans ce secteur-là. Grande aire protégée qui serait capable, suffisante pour subvenir aux besoins du caribou forestier. Ça, c'est la première aire de prioritaire à la conservation. La deuxième, c'est les forêts riveraines à la rivière Péribonka. Il y a certains écosystèmes exceptionnels qui se trouvent au bord de cette rivière-là, dont des vieilles forêts de bouleaux jaunes. Le plus gros bouleau jaune au Québec, il est sur cette rivière-là. Certains disent qu'il y en a un plus gros en Estrie, là, mais moi je vous dis, il est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le plus gros bouleau jaune au Québec. Il est sur le bord de cette rivière-là, dans une forêt ancienne de bouleaux jaunes, un écosystème exceptionnel qu'on essaie de défendre, de protéger. Le mouvement de protection des forêts riveraines de la rivière Péribonka a été initié en 2010 par un comité citoyen de la Marche. Et ils ont subi beaucoup d'ostracisation, beaucoup d'oppression des autorités régionales. Ils se sont fait, leur projet s'est fait balayer de la main des consultations publiques en matière d'air protégé. Bref, et Boréalisation, on les a rencontrés il y a 2 ans, puis on a décidé avec eux de faire renaître ce projet de conservation-là, de la rivière Péribonka. Donc ça, c'est notre deuxième campagne chez Boréalisation. Et le troisième, c'est ce dont il va être question aujourd'hui dans ma présentation, c'est le fjord du Saguenay. Le fjord du Saguenay qui est menacé par des projets industriels, des projets d'industrie lourde. Il y a un projet sur la rive nord de la construction d'un port pour l'exportation de matières minières. Ce projet-là est associé à une mine qui s'appelle le projet Ariane Phosphate, que vous avez peut-être entendu parler, mais c'est un projet qui est beaucoup associé au plan nord. Mais ce dont il va être question beaucoup ici avec la présentation, c'est d'un autre projet de port qui juste de l'autre côté de la rivière Saguenay, là, ils sont vraiment voisins, ils veulent créer un autre port juste de l'autre côté, vis-à-vis, là, ils sont vraiment face à face. C'est le projet d'exportation de gaz naturel liquéfié Énergie Saguenay. Et avant d'expliquer c'est quoi ce projet d'exportation de gaz naturel liquéfié, je pense que la bonne marche à suivre, c'est d'abord vous présenter le fjord du Saguenay, qui est la zone menacée par ces projets industriels-là, qui est une zone, qui est un secteur écologique fabuleux et qui nous, finalement, nous motive à vouloir de défendre et à donc combattre ces projets d'exportation industrielle-là. Donc, le fjord du Saguenay fait l'objet d'une protection. Il y a une aire protégée dans le fjord du Saguenay, ça s'appelle le parc marin Saguenay-Saint-Laurent. C'est la seule aire marine protégée au Québec. Il compose 1% des aires marines protégées au Québec. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'à lui seul, c'est ça, le gouvernement a pour objectif de protéger 10% de son territoire marin. Et en ce moment, grâce à ce parc marin-là, on est à un peu plus d'1%. Okay? Donc, Mais vous comprenez que pour atteindre le 10 % là, qui est prévu en 2020, passer de 1 % à 10 %, il va en falloir en créer d'autres de ces aires marines de protection. Là. Mais pour l'instant, le seul qu'on a, c'est le parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Il est protégé pas pour rien. En fait, il comporte une biodiversité assez exceptionnelle à cause de la présence de nutriments apportés par le mouvement des marées, etc., qui remonte jusque dans le fjord du Saguenay qui en fait un lieu de rendez-vous important pour les mammifères marins, plusieurs cétacés, dont certaines en voie de disparition, dont certaines et plusieurs, en fait, dont ont un statut d'espèce en péril. Un de ceux-là, c'est le rorqual bleu, qui est le plus gros animal ayant existé sur Terre. Il fait à peu près 30 mètres de long. À une certaine époque, ces grands mammifères marins-là peuplaient quand même de façon importante. Il y avait une population de plusieurs milliers de rorquals bleus en Atlantique Nord. Il y a eu une chasse intensive depuis le 19e siècle contre ces mammifères marins-là pour en faire de l'huile à lampe, là, par exemple. Il y a eu ensuite, en 1955, il y a eu une réglementation qui interdit la chasse du rorqual bleu. Et malgré tout, on observe pas d'augmentation des populations, les populations continuent à décliner. Donc là, aujourd'hui, on est rendu à des populations d'environ 300 individus de rorqual bleu. Et certains de ces individus-là viennent visiter notre fjord du Saguenay, le parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Et donc, ce rorqual bleu-là fait l'objet d'une protection parce qu'il est sous l'égide de la loi sur les espèces en péril. Parce qu'il a un statut d'espèce menacée au Canada. Le second important animal avec un statut précaire, là, c'est le Beluga du Saint-Laurent, qui fait beaucoup parler de lui, entre autres, à cause d'un projet qui avait lieu à Cap-Neuve. Je suis certain que vous êtes tous au courant. Donc, le Beluga, lui aussi, fait l'objet d'une protection. Il est interdit de le chasser depuis plusieurs années. À une certaine époque, on pouvait en retrouver jusqu'à 10 000 individus dans le Saint-Laurent. Et aujourd'hui, on en compte à peine plus de 800, puis le déclin s'accentue chaque année. Outre ces deux espèces iconiques là, du parc marin Saguenay-Saint-Laurent, il a été répertorié là, jusqu'à une trentaine d'espèces qui ont des statuts précaires dans le parc marin Saguenay-Saint-Laurent, incluant la zone où le port méthanier est prévu. Donc une trentaine, c'est quand même beaucoup. On parle entre autres du garrot d'Islande, là, je peux vous en parler, le pigargue à tête blanche, certaines espèces de chauves-souris, il y a énormément de chauves-souris dans notre coin, chauves-souris argentées, etc. Toutes des espèces qui habitent le territoire sur lequel est projeté le projet et qui sont menacés de disparition. Donc on comprend bien qu'une aire protégée a pour mission de protéger sa biodiversité. Et certaines mesures ont été développées pour protéger ces espèces-là, incluant le rorqual bleu et le beluga. Parmi elles, il y en a deux importantes, dont les marins, les conducteurs de bateaux ont l'obligation de respecter. Premièrement, ils doivent garder une distance de 400 mètres avec les populations de beluga quand ils naviguent dans le parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Même chose pour le rorqual bleu. Donc, ils doivent garder une distance de 400 mètres. Et vous comprenez que sur papier, c'est beau, en théorie, c'est beau. Mais quand tu as un méga navire méthanier, un navire citerne, comme il est prévu d'en avoir dans le code d'énergie Saguenay, un navire qui fait 300 mètres de long, 45 mètres de large, dans un fjord qui fait à peu près 1 km de large, difficile à croire que le navire va faire du slalom pour éviter les bilugas qui nagent finalement dans le fjord du Saguenay. Mais bref, légalement, ils ont l'obligation de contourner, d'éviter à distance de 400 mètres ces populations-là. Ouais, j'y vais tout de suite avec ma deuxième, puis je te reviens. La deuxième restriction qu'ils ont à respecter, c'est une restriction dans ce cas-ci, de vitesse. Ils doivent respecter une vitesse de 10 nœuds qui équivaut environ à une quarantaine de kilomètres heure. Donc, ça se résume à ça en ce moment. La protection dont fait l'objet ces espèces-là dans le parc marin Saguenay-Saint-Laurent se résume à ça. Maintenant, le statut du bilga a changé. Il est maintenant passé de l'espèce menacée à l'espèce en voie de disparition. Et de ce changement de statut-là, le gouvernement canadien va avoir l'obligation de définir un habitat essentiel à l'espèce du bilga. Et une fois ça défini officiellement et décrété officiellement, le gouvernement va avoir l'obligation d'étudier chaque projet qui ont lieu dans cet habitat-là et de s'assurer et même jusqu'à refuser si un projet menace finalement cette espèce-là qui est maintenant protégée par la loi. J'avais une question. C'est la rien de phosphate, l'autre bord, oui. Le projet est autorisé. Il n'y a pas un autre port qui va se faire pour des gros bateaux exporter du minerai? Oui. C'est ça, j'en l'ai mentionné au début. Lui est encore en fait, les deux projets, celui d'Ariane Phosphate et Énergie Saguenay, sont en ce moment dans le processus d'évaluation environnementale canadienne. Dans le cas d'Ariane Phosphate, il est encore plus avancé. Ça fait plus longtemps que le projet a démarré, là, a commencé les procédures. Dans le cas du projet d'Ariane Phosphate, ils sont en consultation publique. Dans le cas d'Énergie Saguenay, ils sont l'étape juste avant, c'est-à-dire les promoteurs sont à la rédaction de l'étude d'impact environnemental. Chose qui peut prendre entre un an jusqu'à peut-être qu'à 2-3 ans. Là. Donc, ça fait pas encore un an qu'ils ont commencé cette étape-là. Donc, on aurait peut-être un répit d'au moins un an là, avant d'entamer la prochaine étape dans le cas d'Énergie Saguenay, qui est les consultations publiques. Ça, c'est le processus fédéral. Maintenant, ils auront l'obligation. En fait, l'obligation n'est pas le bon mot, mais normalement, ils devront aussi passer à travers le processus québécois. Je dis que l'obligation n'est pas le bon mot. Et ça, c'est assez récent. Là. C'est le Devoir qui a écrit un article là-dessus, là, c'est Alexandre Schill. Parce qu'il y a eu un jugement de la Cour supérieure, parce qu'il y a un projet à Québec, à Lévis, il y a des raffineries à Lévis, puis là, il y a une compagnie qui veut installer des réservoirs de pétrole supplémentaires. Et ils ont passé à travers le processus canadien d'évaluation. Et suite à ça, ils ont entamé le développement du projet sans avoir passé à travers le processus québécois, donc incluant le BAP. Là, donc, selon la loi sur la qualité de l'environnement, ils auraient dû faire une demande auprès du BAP. Or, eux, ils ont défendu la thèse comme quoi, étant donné que les ports sont de juridiction fédérale, ils n'ont pas l'obligation légale de se soumettre à la législation québécoise, donc à passer l'évaluation du BAP. Et ils sont allés en cours pour défendre cette thèse-là. Le Québec s'est défendu pour exiger un BAP. Et la Cour supérieure a donné raison à la compagnie. Ce qui, là, a installé une jurisprudence somme toute inquiétante, là, entre autres pour des projets comme à Énergie Saguenay, parce que si Énergie Saguenay dit, regardez, eux autres n'ont pas eu à passer l'évaluation québécoise, ils ont juste eu à passer l'évaluation canadienne, ben pourquoi nous, on, de façon volontaire, là, on exigerait de nous de passer à travers le BAP, d'accord? Ça, c'est légalement, là, mais ils savent très bien que pour l'acceptabilité sociale est importante pour eux et que passer à travers le BAP va, disons, plaider en leur faveur là, auprès de la population. Donc, jusqu'à maintenant, ils prétendent ou ils ont manifesté l'intention de soumettre la demande auprès du BAP. Donc ça, c'est le fjord. Le fjord, c'est ça, le parc marin Saguenay-Saint-Laurent a été créé en 1998. Il y a plusieurs espèces à statut précaire qui y habitent. Aussi, le fjord, en 2009, a fait l'objet d'une étude de faisabilité pour inclure le fjord à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'étude en a conclu que le fjord avait tous les atouts culturels et naturels pour faire partie de cette liste-là. Et depuis, il y a un comité qui a été créé pour faire cheminer ce projet d'acceptation du fjord dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Puis aujourd'hui, là, en 2016, ce projet-là il est devant une commission canadienne. Parce que là, avant de faire accepter le projet devant l'UNESCO, il faut le faire accepter devant le gouvernement du Canada. Et on est rendu à cette étape-là. Donc, mais tout ça pour dire que le fjord, quand même, fait l'objet d'un potentiel important là, au niveau culturel et naturel. Et qu'il ne fait aucun doute, selon moi, qu'un conflit d'usage entre la construction de ports industriels dans un... dans une zone candidate à un patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a un conflit d'usage là, qui est comme flagrant, parce que d'autant plus que si les projets sont construits avant l'adoption, tu sais, je veux dire, notre projet perd de la valeur, puis tu sais, vice-versa, mais en tout cas, il y a un conflit d'usage. Fait que ça, c'est pour le fjord. Est-ce qu'il y a des questions quant au fjord du Saguenay? Parce que sinon, je passerai tout de suite au projet Énergie Saguenay et en quoi, selon moi, il pose problème à l'intégrité écologique naturelle du fjord du Saguenay. C'est une zone, on en convient, extraordinaire. Le port d'Énergie Saguenay, il faut comprendre, c'est un projet d'investissement. En fait, c'est deux firmes d'investissement américaines qui investissent dans le projet, là, qui ont créé le projet Énergie Saguenay. Deux firmes californiennes, Fluston International puis Breyer Capital. Dans le cas de Fluston International, c'est un gars, Jim Illich, okay? un ingénieur là, qui a fait fortune parce qu'il était cadre de la compagnie d'ingénierie Bechtel. Bechtel qui est une compagnie d'ingénierie un peu scrupuleuse, qui est impliquée, entre autres, là, dans la guerre en Irak, là, ceux qui ont lu Naomi Klein, la théorie du choc. Oui, merci, Canada. La théorie du choc, les questions, entre autres, de Bechtel dans son livre. Et donc, cet homme-là a créé sa firme d'investissement, sa firme capitale, qui s'appelle Fluston International. Il s'est joint à une autre firme d'investissement qui est Breyer Capital, celui-là fondé d'un autre Jim, le Jim Breyer, qui lui est surtout impliqué dans Silicon Valley, il a eu des partenariats avec Facebook. Mais donc on comprend bien là, que c'est deux bonhommes là, en Californie qui ont peut-être aucune idée des réalités locales, qui voient une opportunité d'affaires avec la situation géopolitique du marché du gaz. J'en reparlerai tantôt de cet aspect-là. Mais il y a eu une opportunité, puis ils ont décidé d'investir dans ce projet-là. Et de la façon qu'ils ont fait ça, ils ont créé un consortium qui a été enregistré encore une fois aux États-Unis, au Minnesota, qui s'appelle UB Capital. Et eux, vous comprenez bien, la finance, hein, c'est des liens comme ça. Eux ont créé le visage québécois du projet qui s'appelle GNL Québec, qui eux ont pignon sur lui ici à Saguenay, sur le boulevard Saguenay. Ça serait le fois qu'on aille leur rendre visite à Saguenay. Sur la rue des Saguenay? Hein? Sur la rue des Saguenay? Ouais, c'est ça. J'ai dit boulevard Saguenay. Au lieu de rue. Là, mais... La rue des Saguenay, boulevard Saguenay, c'est deux endroits différents. Ah, mais j'ai dit Saguenay. Ouais. Ah, boulevard Saguenay. Ben, juste Saguenay, exactement. C'est proche du centre d'achat. Oui, exact. En face, le bureau, en gros. Oui, ouais. Le député de Verre. Et donc, c'est ça. On comprend bien que ces compagnies-là ont créé ce visage québécois, cette entité québécoise-là, qui, eux, ont le mandat de faire cheminer le projet à travers les processus d'évaluation environnementale, mais aussi à travers... les processus, on pourrait dire ça comme ça, là, mais d'acceptabilité sociale. Et la façon que ça fonctionne, c'est qu'une fois eux ont produit les dossiers, toute la paperasse, qu'ils ont passé à travers ces étapes-là, ils vont aller solliciter des investisseurs potentiels pour qu'eux, finalement, investissent dans un projet qui est présenté, qui aurait une valeur de 7 milliards de dollars. En fait, qui aurait un projet de 7 milliards de dollars d'investissement. C'est énorme. Sans compter l'oléoduc. Oui, mais c'est ça, j'arrive, parce que le projet d'énergie Saguenay comprend plusieurs composantes. Ça ne se résume pas à une usine de liquéfaction. Il y a ce gazoduc-là de 650 km qui il reste branché sur le réseau canadien de gazoduc en Ontario. Parce que le réseau canadien de gaz, là, il est tout mélangé. Toute la production de gaz naturel s'en va tout dans le même réseau, puis tout se mélange dans ce réseau-là. Puis après ça, les autres vont aller se plugger là-dessus en Ontario et faire un gazoduc de 650 km jusqu'à Saguenay pour approvisionner l'usine de liquéfaction. L'usine de liquéfaction est le deuxième aspect là, de ce projet-là. Il serait installé à Grand-Anse, donc sur les rives du fjord du Saguenay. Parce que ce gaz-là, il est à l'état gazeux, mais pour le transporter, pour le transborder dans un navire citerne, ils doivent le liquéfier. Et pour ce faire, ils le liquéfient, ils doivent le réfrigérer en fait à moins 162 degrés Celsius. Donc on comprend que c'est un processus très énergivore là, à faire. Et d'ailleurs, qui comporte toutes sortes de rejets. Il y a toutes sortes de résidus industriels qui en découlent. Parce que quand tu liquéfies le gaz, les différents gaz ont des différentes températures de liquéfaction. Là, donc tu vas avoir des gaz qui vont rester, des gaz résiduels qui vont rester. Parmi ceux-ci, tu as du sulfure d'hydrogène qui est un poison, qui est vraiment reconnu comme un poison dangereux. Tu as du CO2. Tu as toutes sortes de gaz volatiles organiques comme le benzène, le toluène. Plusieurs de ces gaz, tu as aussi de l'oxyde de soufre, qui est le principal gaz impliqué dans les pluies acides. Puis certains de ces gaz-là vont être brûlés à la torchère. Donc on comprend, la torchère, ça aussi émane des polluants, aussi ça crée une pollution lumineuse. Mais certains sont carrément rejetés dans l'atmosphère. C'est le cas des oxydes de soufre là, impliqués dans les pluies acides. Donc, il y a tout ça qui est peu discuté, là, mais il y a des polluants, il y a des contaminants atmosphériques qui découlent de ce processus de liquéfaction. Là. Donc, tu as l'usine de liquéfaction qui nécessite énormément d'énergie, et c'est là un autre des composantes. Le projet inclut une nouvelle ligne à haute tension pour approvisionner en électricité cette usine de liquéfaction, une ligne de haute tension qui ferait 40 km, qui reste branchée sur le réseau Hydro-Québec. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi ces investisseurs-là viennent chez nous. C'est à cause du prix bon marché de notre électricité qu'on est prêt ici à vendre pour des peanuts au tarif L, donc au tarif des aluminiums. Hein, c'est pas pour nos beaux yeux, là. Ils viennent entre autres parce qu'on donne presque littéralement notre électricité, puis ils souhaitent bénéficier des mêmes avantages que les alumineries de la région. C'est entre autres pour ça qu'ils viennent, c'est surtout pour ça qu'ils viennent. Donc ce projet-là inclut une ligne à haute tension, puis ensuite, évidemment, il y a tout l'aspect portuaire, donc il y aurait une jetée portuaire qui serait construite sur les rives du fjord. Et évidemment, tu as le transport, le trafic maritime. On parle d'un trafic de 4 à 5 navires par semaine qui ferait l'aller-retour dans le fjord de Saguenay. C'est des méga navires méthaniers, des méga navires citernes qui font, comme je le disais, 300 mètres de long, 45 mètres de large. C'est le navire du type Q-Flex qu'ils appellent. Tu me vois, tu sais qu'en période de navigation, il va y avoir plus que 3-4 navires par semaine, il va y avoir un par jour. Parce que pendant l'hiver, il n'y a pas de trafic. C'est donc, ça. Donc, c'est une moyenne. C'est une moyenne, exactement. Il y a rien de phosphate, c'est comme un bateau qui rentre pour rien de phosphate. Ah, je sais pas. Environ 10 gros bateaux, on ne sait pas qui va faire le trafic des navires. Il y a ceux-là de Limoncourt, des rallyes. Là, actuellement, il n'y a pas d'organisme qui fait le trafic des navires. Et les super métalliers, ils ont priorité absolue sur tous les autres. Alors, on ne peut pas les croiser dans un chenal. Un chenal, ça a 2 km de large. Le fjord n'a pas 2 km de large. Donc, alors on ne peut pas les suivre ou les précéder de 1,8 km. Ah. Et même, il y a des endroits que c'est 8 km en France, il y a un endroit qui ont établi que c'était 8, puis ça, c'est un organisme international qui s'appelle le C'est tout, c'est le Society of International Tank and Tankers Operators, le CQ2, okay, qui établit ces normes-là, mais les entreprises n'ont pas l'obligation de les suivre, ce ne sont pas des normes nationales, c'est des normes privées. Puis il y a combien de bateaux déjà pour l'Alcan qui rentre, mettons? J'ai pas ces informations-là. Mais en ce moment, le chiffre que j'ai, je pourrais te donner, c'est qu'il est calculé qu'il y a environ 91 000 passages de bateaux sur le fjord par année. 91 000. Évidemment, on inclut les bateaux de plaisance là-dedans. On comprend. Mais on comprend que il y a déjà... l'écosystème est quand même très sollicité par le trafic maritime. Là. Actuel déjà. Croisière, ils veulent en avoir de plus en plus encore. Ben c'est ça exactement. Fait que là, on observe une intensification des usages industriels maritimes du fjord. Puis là, à un moment donné, il y a un conflit d'usage là, qui apparaît entre la mission de protection de la biodiversité du parc marin Saguenay-Saint-Laurent puis, disons, l'utilisation industrielle du fjord. Donc, il est déjà très sollicité. Je pense qu'on est déjà rendu à un niveau de sollicitations très importantes. Puis là, on a deux méga-projets comme celui-là qui se présentent. Puis évidemment que là, on risque d'endommager l'écosystème sérieusement. Donc, ça, c'est pour le projet. Liquéfaction, je regarde mes notes un peu. Oui. Et c'est ça. Donc, il y a ce projet-là qui se présente. Et il n'est pas le seul. Il y a un projet de gaz naturel liquéfié qui se présente ici à Axané. Il n'est pas le seul. Loin de là, il y en aurait une vingtaine dans les dernières années de projets de liquéfaction, d'exportation en fait de gaz naturel liquéfié qui se présente un peu partout au pays, mais en fait surtout en Colombie-Britannique. En fait, le trois quarts de ces projets-là sont en Colombie-Britannique. Au Québec, sur la côte est, au Canada, il y en aurait 4-5, là, dont un Canaport au Nouveau-Brunswick, un autre Bearhead en Nouvelle-Écosse. Donc, il y a d'autres projets. Donc, il y a une espèce de bulle autour, une bulle financière autour de ces projets d'exportation-là. Je vais expliquer pourquoi. Mais avant, c'est ça. Il n'y a aucun port en ce moment qui fait de l'exportation de gaz naturel liquéfié pour l'instant. Ce qu'on a au Canada, par contre, on a des projets d'importation de gaz naturel liquéfié. Le projet Canaport au Nouveau-Brunswick en est un. Parce que au début des années 2000, le Canada n'était pas un exportateur de gaz naturel. Il était un importateur. Et c'est à cette époque-là, d'ailleurs, qu'on a vu apparaître des projets d'importation, dont le projet Rabaska, sur les rives de Libye, qui a suscité une forte mobilisation citoyenne. Parce que les gens craignaient, entre autres, pour leur sécurité. Ces installations-là ont des potentiels explosifs importants, là, j'en parlerai tantôt, mais il y avait eu une forte mobilisation. Ça avait été une des très grosses mobilisations en matière d'environnement que le Québec avait connue à cette époque-là. Et le projet, finalement, est mort. Là. Le projet ne s'est jamais concrétisé parce que, entre autres, il était en concurrence contre d'autres projets qui se présentaient dans les maritimes. Et c'est finalement le projet Canaport au Nouveau-Brunswick qui a gagné, entre guillemets. Mais aujourd'hui, le projet est à toute fin inutile. C'est un grand éléphant blanc. Il existe, là. Le projet a été construit. Mais là, entre-temps, il est arrivé ce qu'on appelle la révolution des gaz de schiste. Et le Canada n'est plus un... En fait, non seulement il n'est plus un importateur, mais on a des surplus de gaz naturel à cause de cette nouvelle technologie-là. Et maintenant, les besoins sont l'exportation de gaz naturel. Et malheureusement, c'est pas un port de liquéfaction. Réfrigérer le gaz, c'est pas les mêmes installations que défrigérer le gaz. Fait que là, le port de Canaport, il sert pratiquement à rien. C'est un grand éléphant blanc. Et là, il y a un projet en fait qui est sur la table là-bas pour convertir le port qui était d'importation vers un projet d'exportation. En 2007, il y avait un projet aussi d'importation de gaz ici à Port Saguenay. Ah ouais. Bon, tu vois. Même chose aussi gros que Rabaska. Ouais, bon, tu vois. Ouais. Puis là, c'est l'inverse. Là, il y avait eu c'est une espèce d'engouement, une espèce de bulle financière pour l'importation, mais aujourd'hui, la bulle s'est inversée. Et c'est ça. Et la même situation qu'à l'époque, tous ces projets de ports méthaniers-là sont en concurrence les uns envers les autres. Et là, on observe une espèce de bulle financière autour de ces projets d'exportation-là, qui est elle-même dans une autre bulle, qui est la bulle financière des gaz de schiste, qui, elle, est en train d'éclater. Là. La bulle des gaz de schiste est en train d'éclater. L'industrie des gaz de schiste, dans les 3 dernières années, sa dette a doublé. Les investissements ont chuté de moitié. Et la bulle des gaz de schiste est en train d'éclater. Et la raison pour ça, c'est que à cause de cette technologie-là, il y a eu une explosion. En fait, l'explosion est peut-être un double sens, là, mais il y a eu une croissance incroyable, la production intérieure en Amérique du Nord de gaz naturel. Or, les infrastructures pour l'exporter, elles, n'ont pas suivi. Donc, le marché nord-américain de gaz naturel est saturé. Ce qui fait qu'en 2008, le gaz naturel qui se transigeait autour de 13 $ le million de BTU, okay, c'est une unité de mesure, aujourd'hui se transige autour de 3 $. Hein, 13, 3. Puis j'ai regardé cette semaine, puis il est en bas de 3. Tu sais, quand tu es rendu à 2,99 $. Donc, le gaz ne vaut plus rien, okay? Ni plus ni moins, parce qu'il est saturé. Il y a trop d'offres comparativement à la demande intérieure. Ils ne sont pas capables de le sortir. Et justement, pourquoi il y a une explosion de ces projets-là? C'est parce qu'ils veulent sortir ce gaz-là afin de ventiler finalement le marché. Hein? Parce que là, il est saturé. Il est comme le gaz, l'offre est emprisonnée dans la demande intérieure, puis là, ils veulent le sortir pour ventiler le marché de sorte à ce que les prix remontent. Puis c'est important pour eux que les prix remontent parce qu'en ce moment, le coût d'extraction du gaz de schiste est plus élevé que le prix auquel ils vendent. Le prix d'extraction du gaz de schiste, là, c'est autour de 8 $ le million de BTU. On le vend 3 $. Donc, c'est plus rentable pour eux. Fait que là, c'est vraiment urgent pour eux de ventiler le marché, là, pour le sortir, de sorte à baisser l'offre intérieure en allant chercher la demande extérieure pour que les prix se remontent pour ensuite repartir la machine des gaz de schiste qui aujourd'hui est en train de s'effondrer, de mourir de lui-même parce qu'elle n'est plus rentable. Et c'est là qu'on voit des investisseurs qui voient une opportunité d'affaires proposer des projets un peu partout au pays. Et la plupart d'entre eux sont dans l'Ouest canadien pour deux raisons. Ben, parce que l'exploitation des gaz de schiste au pays se fait dans l'Ouest canadien. L'Alberta, la Colombie-Britannique sont les plus gros producteurs de gaz naturel à cause des gaz de schiste. Et parce que le seul marché intéressant à l'international, c'est l'Asie. Et d'ailleurs, il y a un économiste de l'Université d'Ottawa, Jean-Thomas Bernard, qui avait sorti publiquement à un moment donné, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, Benoît Robin, mais il était sorti publiquement en disant, écoutez, ce projet-là d'énergie stagnée, là, c'est pas viable. C'est vraiment une aberration même économique. Ça ne tient pas du tout la route, non seulement du point de vue économique. Et la raison est que le seul marché viable dans le monde pour le gaz naturel, c'est l'Asie, particulièrement le Japon. Et s'il y a des projets d'exportation qui sont susceptibles d'avoir les investissements nécessaires, c'est pas ici sur la côte ouest qu'ils vont les avoir, c'est l'autre côté du continent. Donc, en tout cas, c'est un peu une lubie de penser que, en tout cas, que c'est une bonne idée ici d'en faire un. Et Jean Tremblay, j'avais adoré la réponse de Jean Tremblay, là, qui est le maire ici, qui avait répondu, écoutez, ce professeur-là de l'Université d'Ottawa, c'est un milliardaire, lui? C'est un milliardaire, parce que moi, si c'est pas un milliardaire, il sait pas comment faire de l'argent. Moi, je fais confiance à des gens qui ont de l'argent, parce qu'eux autres savent comment faire de l'argent. C'était ça son critère, elle dit, si t'es pas milliardaire, t'as pas la crédibilité suffisante pour critiquer un projet contre des milliardaires qui le proposent. Ils ne sont pas devenus milliardaires pour rien, ils doivent savoir ce qu'ils font. Fait que c'est un peu la logique qui avait sorti. C'était cocasse. Ouais. Fait que c'est ça, donc. C'est la... Parce que cocasse, c'est le populisme. Ce qui est ce projet-là, du coup, c'est l'acceptabilité sociale que justement un gars comme Ravé est capable d'aller pomper. Donc, Puis... on n'aura pas ailleurs, mettons, au Nouveau-Brunswick, ou si on n'aura pas sur la Alaska, ou aux endroits où les projets sont. Et on sait que l'administration Tremblay et pousse beaucoup pour ce projet-là. Hein? Oui, mais il a même dit, Jean Tremblay, parce que là, il quitte la politique en 2017, là. Il a même dit qu'un de ses souhaits, c'est de faire un dernier gros projet avant son départ de la politique, puis il citait GNL Québec. Ce serait comme son objectif avant de quitter. Je pense que là, tu as parlé de la réaction de Jean Tremblay, mais c'est la réaction des autres acteurs, mettons, c'est le bon. Régional? Ouais. J'en parlerai. Ça, super. Ouais, c'est ça, ça varie d'un acteur à l'autre. Je pense que en ce moment, il y a beaucoup de monde qui regarde ce projet-là et qui n'y croient pas. Moi, j'ai parlé à des politiciens au niveau fédéral, provincial, puis quand en confidence là ils vont me dire écoute, t'en fais pas trop là, il y a des bonnes chances que ça meure de lui-même ce projet-là, les gens n'y croient pas. Même son de cloche chez plusieurs groupes environnementaux, parce que je les ai sollicités là, pour réalisation, on était un des premiers à sonner l'alerte sur ce projet-là. Puis eux autres même disent, regardez, on est un peu, on attend de voir parce qu'on n'y croit pas. On a l'impression que c'est, on n'a même pas besoin d'intervenir, ça va mourir de lui-même tellement que c'est une aberration, même du point de vue économique. Donc, il y a cette espèce de réaction-là qui malheureusement installe une forme de silence. Là. Il y a un silence qui entoure ce projet-là. Puis évidemment, GNL Québec en profite de ce silence-là. Parce que, oui, effectivement, le projet a des bonnes chances de jamais se matérialiser, mais malheureusement, ce ne serait pas la première fois qu'un projet qui n'a pas de sens se concrétise. Là. Un projet comme la centrale de Bécancour, par exemple, pour ceux qui connaissent. En Gaspésie, on prend en nommer plein des projets qui t'ont regardé les chiffres et tu disais, mais voyons donc, c'est une niaiserie. Finalement, c'est devenu des éléphants blancs. Regarde, le projet de Canapol, tantôt, j'en parlais. Il faut comprendre, c'est de la spéculation en ce moment. Tout ça, là, c'est vraiment de la spéculation financière. On spécule sur le fait que les prix du gaz vont augmenter, puis on spécule sur la géopolitique qui va rendre le gaz si rentable, etc. On spécule là, sur notre région en ce moment. C'est pas du développement régional, là. C'est de la spéculation internationale. Mais à notre endroit, on spécule avec nos vies, là, carrément, puis avec l'environnement. Martin Poirier, qui est un environnementaliste que vous connaissez peut-être, qui est très actif sur Facebook, me disait la semaine passée que le gazoduc n'est pas construit, c'est un projet de 3 milliards de dollars de plus. C'est sûr que ça ne sera pas, mais le gazoduc, malheureusement, il est déjà là. C'est déjà le gazoduc de gaz métro qui part de Montréal et qui passe par la Mauricie. Et qui vient ici alimenter la région en gaz. Donc, ce gazoduc-là, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de demander un certificat d'autorisation pour le grossir avec Gaz Métro et le gaz est arrivé. Ben, moi, j'ai eu vent qui voulait en construire un autre à côté. Le tracé serait le même, mais bref. C'est ça. Évidemment, Gaz Métro, qui a le monopole du transport du gaz, il va être impliqué dans le projet. Puis là, il y a une étude de faisabilité chez Gaz Métro sur justement le trajet puis la construction de ce gazoduc-là. Je reviens avec l'espèce de bulle financière autour de ces projets d'exportation-là, qui se situe beaucoup dans l'Ouest canadien. Il y a un projet en Colombie-Britannique, qui est le Northwest Pacific, qui est un projet très comparable. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de faire les parallèles entre Énergie Saguenay et le Northwest Pacific. Parce que, bon, le Northwest Pacific, il est une coche plus gros. Hein? Ici, à Énergie Saguenay, on parle d'un projet qui aurait une capacité de production de 11 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié. Dans le cas de Northwest Pacific, on parle de 18 millions de tonnes. Donc, une coche plus gros. Par année. Donc, on reste dans des eaux qui sont intéressantes à la comparaison. Et d'ailleurs, le processus là-bas est beaucoup plus avancé. La mobilisation citoyenne est beaucoup plus avancée et cette mobilisation citoyenne-là, elle vient surtout des communautés autochtones. Pour vous donner une idée, là, pour obtenir, parce que ces projets-là ont beaucoup de difficultés à obtenir l'acceptabilité sociale, une sensibilité populaire à ce genre de projet-là. Ils le savent, donc ils ont développé toutes sortes de techniques. La compagnie de Northwest Pacific ont proposé à une des communautés autochtones, qui est l'Axcoalahans, là-bas, un chèque de 1 milliard de dollars en échange de leur collaboration et de leur participation dans le projet. Mais savez-vous quoi? La communauté a voté à majorité le refus de ce 1 milliard de dollars-là. Imaginez, 1 milliard de dollars. C'est pas toutes les communautés qui refuseraient, qui cracheraient sur un chèque de 1 milliard de dollars. Ils ont refusé, ils ont dit, regardez, là, nous, parce que ce projet de Northwest Pacific, il est juste un peu au sud de Ripper. Prince Ripper. Projet Lilou Island, là, c'est vraiment, il y a une frayère à saumon, là, c'est vraiment une région importante pour le saumon du Pacifique, puis ces communautés-là vivent de la pêche au saumon, leur alimentation dépend beaucoup du saumon. Donc évidemment, eux autres, ils vont dire, regarde, on ne va pas mettre en péril notre mode de survivance pour 1 milliard de dollars qui finalement, tu sais... Il ne verra plus rien quand le système capitaliste va tomber. Mais c'est, le symbole est fort, là. Donc, il y a une forte mobilisation là-bas. Il y a même l'Institut Pembina qui a fait des études sur les impacts environnementaux de ce projet-là de l'Ouest Pacifique. Puis, il avait conclu, entre autres, que le Colombie-Britannique s'est doté de cibles de réduction des gaz à effet de serre, là, qui s'intègrent en même temps avec l'accord de Paris, d'ici 2030. Ces cibles-là, l'échéancier d'ici 2030. Et l'Institut Pembina a calculé que le projet de Northwest Pacific, à lui seul, représenterait 87% des émissions en gaz à effet de serre en dessous de la cible que s'est doté la Colombie-Britannique. Okay? En fait, que le projet lui-même en émissions de gaz à effet de serre là, correspondrait à l'ajout de 2 millions de voitures supplémentaires. Okay? Donc, et ça, c'est important parce que les promoteurs de ces projets-là, ils viennent nous rencontrer, bien, nous, en tant que citoyens, là, ils viennent nous rencontrer en nous disant, regardez, le gaz naturel, c'est une énergie de transition. Ils vont quasiment jusqu'à dire ça. Ils vont dire que c'est une énergie de transition en comparaison du pétrole et du charbon. Savez-vous pourquoi ils disent ça? Parce que effectivement, au moment de la combustion, il y a effectivement moins de gaz à effet de serre, moins de CO2 qui est rejeté que la combustion de pétrole ou de charbon. Or, il y a une étude qui a été menée par la National Oceanic and Atmospheric Administration aux États-Unis en collaboration avec la Calder University Colorado qui a calculé que le bilan carbone du gaz naturel provenant des gaz de schiste, si tu comptabilisais tout le cycle de vie du carbone de son extraction jusqu'à sa consommation, était un gaz plus polluant pour le climat que le charbon lui-même. Donc, non seulement ce n'est pas une énergie de transition du 21e siècle comme on nous prétend, mais c'est une énergie qui serait comparable ou même pire que l'énergie du 19e siècle. Okay? Et pourquoi? Pourquoi? Parce que le gaz de schiste, je peux en parler, le gaz de schiste, c'est une énergie, c'est une source de gaz extrêmement polluante. Le gaz de schiste, c'est des bulles de gaz là, emprisonnées dans la roche-mère à plusieurs centaines, dizaines de kilomètres sous terre. Et pour l'extraire, on a besoin de forer un puits à la verticale, puis forer des puits à l'horizontale dans la roche-mère et d'injecter sous haute pression des quantités d'eau mélangé avec des produits chimiques puis du sable. À haute pression, on parle de 20 millions de litres d'eau par puits afin de fracturer la roche-mère pour libérer ces bulles de gaz-là. Or, cette technique-là, ça fonctionne, là, c'est mitigé là, parce que tu peux extraire seulement entre 10 et 40% du gisement de la roche-mère. Là. Donc, fait que tu réussis juste à sortir 10 à 40% de ton puits. Et il faut bien comprendre que Donc, quand tu creuses un puits de gaz de schiste, tu as une production rapide, mais après ça, elle chute. Puis, pour maintenir une production rentable, ils ont besoin de toujours forer des nouveaux puits au chaque kilomètre carré pour fracturer toute la roche-mère. D'accord? Fait que tu te retrouves avec des champs, carrément, des champs de gaz, de puits de gaz de schiste. Vous vous souvenez là, de la saga des gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent? Moi, j'ai été beaucoup impliqué là-dedans à cette époque-là. Puis, on parlait de 20 000 puits de gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent si on allait de l'avant dans l'exploitation. 12 000. C'est ça. C'est parce que vraiment, on a besoin de creuser à tous les kilomètres. C'est pas comme le gaz conventionnel où tu as une poche de gaz dans le sol. Tu plantes un trou, puis là, tu l'extrais. Okay? Ça, c'est la mode traditionnelle, conventionnelle. Maintenant, tous ces gisements-là, bon marché, facile d'extraction, ont été pas mal tous épuisés en Amérique du Nord. Et c'est la raison pour laquelle, à une certaine époque, on était importateur, mais depuis la technologie de l'hydrofracturation, on est devenu des exportateurs parce qu'on a commencé ici à fracturer notre roche-mère, notamment dans les gisements Barnett au Texas, puis Marcellus en Pennsylvanie. On a essayé de nous vendre ça ici. En part ça, il y a 3 millions de puits qui ne sont plus utilisés et qui sont probablement fermés et qui fuient. C'est ça. Et qui fuient. Et c'est la raison pour laquelle c'est un gaz. En fait, c'est une exploitation extrêmement polluante en émissions de gaz à effet de serre parce qu'il y a des fuites, il y a énormément de fuites qui sont associées à cette exploitation-là. Le méthane, hein, le gaz naturel, c'est du méthane, du CH4 essentiellement. Et le méthane est un gaz 21 fois plus dommageable pour le climat que le CO2. Ça veut dire que chaque molécule de méthane dans l'atmosphère réchauffe 21 fois plus l'atmosphère que la molécule de CO2. Okay? Le gaz naturel, ce n'est pas un gaz pur. Il ne faut pas penser que c'est un gaz pur. Donc, quand c'est des fuites, ce n'est pas seulement un gaz naturel. Ce n'est pas seulement CH4. Il y a du propane, il y a du méthane, il y a toutes sortes d'autres gaz là, qui sont... Mais l'ingrédient principal... Il y a beaucoup de ce qui s'échappe dans l'atmosphère. Donc, c'est extrêmement polluant. Mais l'ingrédient principal, c'est le méthane. Puis ils vont aller chercher le plus possible cette pureté-là de méthane dans le gaz naturel. Quand tu vas embarquer dans les navires, il va avoir été purifié pour que ce soit seulement du méthane qui soit liquéfié qui embarque dans les navires. Ouais. Mais tout le reste des gaz, une partie des gaz qui vont être récupérés, si on parle du butane, si on parle du propane, ces gaz-là vont être recommercialisés possiblement. Ils vont aller dans vos barbecues ou dans vos briquets. Mais sinon, s'il y a des gaz plus toxiques, il va falloir qu'ils s'en débarrassent. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Hein. Ouais. Donc c'est ça, c'est une technologie excessivement polluante. Puis là, je parle pas de la pollution de l'eau, des nappes phréatiques, des rejets de benzène. Le benzène qui est comme un sous-produit d'hydrocarbures là, qui a été prouvé comme mutagène même à l'état de trace, qui induit des problèmes de santé. D'ailleurs, dans les zones habitées où est-ce qu'il y a de l'exploitation, il y a plusieurs problèmes respiratoires qui apparaissent. D'ailleurs, dans le cas de Pacific Northwest, Northwest Pacific, plutôt, il y a un collectif de 200 médecins qui sont sortis publiquement avec une lettre, tous co-signés, qui dénonçaient justement les effets sur la santé de l'exploitation du gaz de schiste, du gaz en général, puis qui demandaient l'abandon du projet de Northwest Pacific parce que ça promue finalement l'exploitation du gaz de schiste de la même façon que Énergie Est. Contribuerait à l'expansion des gaz de schiste. Il faut comprendre que les projets de gaz naturel liquéfié contribuent à l'expansion des gaz de schiste. Oui, qu'est-ce que je dis? Excuse-moi. Oui, des sables bitumineux. Et dans ce cas-ci. Ça aide le développement du gaz de schiste. C'est ça, ouais. Enfin, moi, je dis qu'énergie. Énergie S, c'est pour les sables bitumineux, Énergie Saguenay l'est pour les gaz de schiste. Il arriverait de ces puits de pétrole, de gaz naturel. Oui. Ouais. Essentiellement. Il n'y en a plus d'autres. C'est son petit frère gazier, le film. Il n'y a plus d'autres sortes de gaz. Fait que vraiment au bout des gaz naturels, facile à aller chercher, ils sont vraiment en train de passer. C'est du méthane, ça, le gaz naturel. Ouais, ben, à 60, c'est environ, le gaz naturel est environ à. Celui qui était le plus pur qu'on avait en Alberta au départ, au début, il était à 80%, puis là, quand on parle des gaz naturels, on tombe dans l'autre 60% de l'éthane. Donc, le reste, c'est pas du gaz qu'ils veulent avoir sur les navires, donc il va falloir que ce soit purifié, J'ai acheminé, il peut brûler dans l'atmosphère. Donc, on comprend qu'il y a une mobilisation citoyenne dans l'Ouest qui est beaucoup plus avancée qu'ici. Nous autres, entre-temps, il faut dire qu'on a été occupés avec l'énergie Est et le pétrole ici. Là. Mais eux autres aussi ont des projets de pétrole, Kinder Morgan, entre autres. Là. Ouais. Non, autres, ils en ont sur les épaules. Puis, je voulais juste rajouter, il y a aussi un autre collectif de scientifiques, là, incluant des climatologues, là, qui ont sorti aussi publiquement pour demander au gouvernement Trudeau d'abandonner le projet. Donc, puis, je le répète, le projet qu'on voit là-bas, il est tout à fait comparable à ce qu'on nous propose ici. Donc, quand le GNL nous présente le projet Énergie Saguenay comme un projet d'avenir, une énergie de transition, là... vous allez pouvoir leur dire, regardez, là, c'est pas ce qu'on nous dit de l'autre côté du continent. Il n'y aurait pas encore moins d'avenir ici que l'autre côté, puis tu dis qu'eux autres ont quand même un marché. Exactement. Puis ils sont en concurrence. Donc, quelle folie leur font croire que ce projet-là, il est intéressant? Bonne question. Et j'ai peut-être une partie de la réponse. Vous savez, le prix du gaz, le marché du gaz, c'est un marché extrêmement réactif aux événements géopolitiques. De la même façon que le prix du baril de pétrole. Il se passe une guerre en Moyen-Orient, puis le prix du baril fait ça, mais c'est la même chose avec le gaz naturel. Et en ce moment, il y a un événement géopolitique important qui se déroule en Eurasie, qui laisse penser qu'il y a une opportunité d'affaires pour des investisseurs comme dans le cas d'Énergie Saguenay, c'est la guerre en Ukraine. Pourquoi? Information importante, la Russie détient 20% de toutes les réserves mondiales de gaz naturel. C'est l'Arabie Saoudite du gaz naturel. C'est le premier exportateur de gaz dans le monde. Et le tiers de l'approvisionnement en gaz naturel de l'Europe provient de où? La Russie. Et 87% de ce gaz-là, il est acheminé par où? L'Ukraine. Par les gazoducs qui traversent l'Ukraine. Et une fois que tu comprends ça, tu comprends mieux ce qui s'est passé en Ukraine parce que, évidemment, l'Union européenne a voulu sécuriser son approvisionnement en incluant l'Ukraine dans l'Union européenne. Et de l'autre côté, la Russie a senti l'eau chaude. Là. Elle s'en dit qu'il perdait un peu le contrôle sur ses exportations puis son rapport de force géopolitique avec l'Europe. Donc, d'un côté, l'Union européenne a comme, disons, financé, fomenté le mouvement européaniste en Ukraine, donc, et de l'autre côté, qui était aussi, dont était favorable le gouvernement ukrainien. Et de l'autre côté, ben, la Russie qui a financé une rébellion pro-russe, puis la tension a monté, puis ça a viré en guerre civile qu'on connaît. En fait, la Russie a senti qu'ils perdaient carrément le contrôle. Ils ont violé la souveraineté territoriale de l'Ukraine en occupant la Crimée, qui est vraiment le point stratégique pour eux. Et en contrepartie, l'Union européenne a voulu imposer des sanctions économiques à la Russie. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, ça n'a pas eu grand effet. La raison est simple, c'est que l'Union européenne est complètement dépendante de la Russie énergétiquement. Et là, l'Europe, là, elle commence à se dire, ouais, ça commence à être un problème, cette dépendance-là à la Russie. Puis là, il dit, il commence à regarder ailleurs. Il regarde vers le sud, le Maghreb, puis là, évidemment, il regarde vers l'ouest, vers l'Amérique du Nord. Donc, c'est ça. Donc là, tu as des gens, j'imagine, des investisseurs qui ont vu une opportunité d'affaires, mais comprenez bien que c'est de la spéculation encore par ces événements géopolitiques-là. Cette situation géopolitique-là, ça varie beaucoup, ça change énormément. Puis en plus, l'Union européenne est embarquée dans une transition énergétique, puis je pense pas qu'ils incluent gaz naturel tant que ça dans leur plan de transition. Aussi, la Russie... Que le veuille ou non les compagnies américaines, la Russie va toujours être capable d'offrir un gaz à meilleur marché que l'Amérique parce que je parlais de gaz naturel conventionnel, là, mais la Russie en est encore plein. Il y a encore des belles poches faciles à exploiter qui ont un coût d'extraction très bas. Donc, Puis, tu sais, vous savez, l'argent part, là. Donc, une compagnie qui va chercher un approvisionnement va évidemment regarder les prix, là, peu importe que tu aies Vladimir Poutine à la tête du pays ou Bachar al-Assad, etc. Hein, on le sait. On s'approvisionne nous-mêmes dans des pays qui ne respectent pas tous les droits humains. Il y a plusieurs pays européens qui ont interdit la facturation hydraulique sur leur territoire déjà. Oui, la rue. Donc, ils viennent ici, ils viennent ici, on sert les gaz de facturation ici pour augmenter le vote. Donc, c'est ça, ça serait l'opportunité d'affaires convoitée par les projets dans l'Est, là, essentiellement. Mais c'est ça, c'est très, très incertain. Là, comme Paris, là, franchement, là, c'est très, très incertain. Donc, il y a ça. Il y a autre point dont je voulais peut-être parler, c'est les eaux de ballast. Vous savez, c'est quoi les eaux de ballast? C'est-à-dire que quand un gros navire de cargaison comme celui-là décharge sa marchandise, comprenez que le bateau, il se vide, donc il devient très léger comparativement à ce qu'il était. Ces navires-là sont faits pour supporter des grosses charges. Puis si tu les vides, ben là, ils lèvent, là, puis là, ils deviennent très instables. Pour contrer ça, quand le bateau se vide de sa marchandise, ils re-remplissent le bateau avec de l'eau. Ils prennent de l'eau du port pour remplir le bateau, de sorte à ramener la stabilité du navire, pour garder un poids sécuritaire. Donc, ils prennent de l'eau d'un port, ils se rendent à un autre port, ils déchargent l'eau de ballast à l'endroit, à la destination, pour reprendre la marchandise. Et ils se promènent comme ça. Ce qui fait qu'en ce moment, on est en train de faire un méga mélange d'eau océanique un peu partout dans le monde. Et on apporte des eaux des Caraïbes. Ici au Saguenay, on a des eaux d'Asie, des Caraïbes. Puis évidemment, ces eaux-là contiennent des contaminants chimiques, mais aussi des contaminants organiques, des plantes, des photoplanctons, des zooplanctons envahissants. Bref, on bouleverse comme ça les écosystèmes en mélangeant les espèces, en mélangeant les eaux océaniques d'un port à l'autre. Y a-t-il pas une nouvelle loi qui fait que les gens sont obligés d'aller dans les eaux internationales pour les eaux de la... Oui, il y a certains, il y a une réglementation, Stéphane. Tu as plus d'infos là-dessus? Oui, en fait, cette loi-là existe depuis assez longtemps. Ils doivent échanger l'eau de ballast en eau internationale, c'est-à-dire des endroits où c'est assez profond, où on voit que l'eau pourrait se mélanger. Par contre, si le temps est mauvais, ils sont obligés de le faire. S'ils ne sont pas capables de le faire dans l'océan, il y a un endroit dans la golfe du Saint-Laurent qui est destiné à ça. Et encore là, si le temps est mauvais, ils peuvent continuer leur chemin. Ce n'est pas une obligation de le faire. Puis ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a aucun contrôle là-dessus. Il n'y a pas de contrôle. Donc, ils peuvent arriver ici, les autres balances, on peut les échanger. Oui, puis ils ont le droit de le faire techniquement parce que ça favorise la stabilité. Puis on comprend bien là, que la voie navigable du fjord, là, c'est étroit, tu as des gros murs de roches d'un bord puis de l'autre. C'est quand même important que ce navire-là ait une bonne stabilité, surtout que tu es dans un couloir de vent. Donc évidemment, ils ne vont pas décharger toutes leurs eaux de ballast dans le golfe Saint-Laurent avant de rentrer dans ce couloir. Non, mais en fait, c'est couloir. Ah oui, OK. Ils vont reprendre de l'eau, là. Comme ils reprendraient de l'eau en plein milieu de l'océan, techniquement, pour se recharger en eau de ballast, donc ça considère que ce serait de l'eau qui serait neutre. Ou encore, ils prennent, s'ils sont pas capables de le faire dans l'océan, ils vont arriver dans le golfe du Saint-Laurent, un certain endroit qui est désigné pour ça, et ils vont échanger l'eau, puis ils pensent que l'eau du Saint-Laurent est équivalente à l'eau du fjord. Donc, ils vont charger l'eau de Saint-Laurent, ils vont venir jusqu'à la grande place. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir décharger, recharger la cargaison tout en déchargeant les eaux de ballast. Mm-hmm. Et supposément, ça n'aura pas de conséquences graves sur l'eau du fjord de Saguenay. Par contre, comme je disais, il n'y a pas d'obligation. Si le temps est mauvais et qu'il risque de faire renverser le bateau, il y a une question de sécurité là-dedans aussi. Ouais. Donc, ils feront peut-être pas. Donc, on n'est pas sûr que tous les bateaux vont arriver. C'est des quantités énormes. C'est ça, on parle de 80 000 tonnes d'eau. 80 000 tonnes. Par bateau, d'eau de ballast. Donc, puis tu sais, ça, même si tu prends ton lot dans le golfe de Saint-Laurent, t'as pas la même salinité que dans le fjord, là. Donc là, tu changes la salinité de ton eau, tu changes le pH, tu changes plein d'affaires. Bref, il y a cet aspect-là qui est à considérer avec ce genre de projet. J'accélère un peu. Peut-être juste une petite mention. Hein, au Québec, il y avait un projet de gaz naturel liquéfié à Bécancour. C'était le projet Stahl. C'était un tout petit projet là, en comparaison ici, qui a été abandonné. Pourquoi? Parce que les investisseurs eux-mêmes ont dit, regardez, là, le marché n'est pas favorable. C'est un abandon temporaire, là, ce qu'ils disent, là, mais le projet est sur la glace. Donc, ce projet-là, c'était pour prendre du gaz métropolitain, oui. Et le ramener vers Iqaluit ou dans le nord du Québec, par petit navire. Oui, c'est ça, c'est un petit projet, et pourtant, il a été mis sur la glace à cause que les investisseurs ont reculé parce que leurs prévisions ont changé. Donc, je vois pas pourquoi ici on ne ferait pas le même calcul, on aurait des chiffres différents. Oui. Oh, mais c'est sûr que calculer comme ça, c'est bien, hein? Sauf que des niaiseries, ça se fait toujours, puis des changements, ça se fait toujours, puis c'est mieux de pas se fier aux chiffres, puis de se fier plutôt à la mobilisation. Au bon sens. Non, effectivement. Moi, je suis de cet avis-là. Oui. Oui. Il y avait aussi un projet de barge de liquéfaction à Gaspé. Oui, c'est récent, c'est bon. Oui, et puis ça allait, en tout cas, ça semblait aller de l'avant. J'imagine qu'il allait faire du gaz de schiste en Gaspésie. En tout cas, je ne sais pas trop d'où est-ce que venait le gaz, mais il parlait de faire une gaz de liquéfaction au large de Gaspé. Et comme la barge étant sur l'eau, il y aurait zéro de taxe qui allait être revenir à la municipalité parce que l'eau étant de. Je ne sais pas si ici c'est pareil, je ne sais pas c'est où que ça va se faire la liquéfaction, mais. C'est sur les berges, nous autres, il y aurait des taxes, là. Je ne sais pas trop l'aspect fiscal là-bas, mais si il y aurait des. C'est d'ailleurs une des motivations de Jean Tremblay, là, c'est d'avoir. Il dit que ça va être capable de payer trois fois la place du citoyen. Ouais. Ouais, c'est en vrai cas, t'en achètes une c'est ça. Ouais, parce que c'est vraiment une usine qui va être implantée sur une usine de liquéfaction. Le gaz arrive gazeux, et il faut le liquéfier. Donc ça prend une usine là, avec énormément de puissance. Ça prend 400 MW d'électricité pour pouvoir faire le procédé. Donc, ça prend une usine sur place, donc c'est impossible qu'il n'y ait pas de taxation. Là. C'est pas vraiment, c'est pas seulement sur l'eau. Puis c'est impossible aussi de le faire sur le fjord, parce qu'imaginez, la largeur du fjord, c'est 1,8 km. Merci, Benoît Romain. Il y a une main levée, là. On va respecter les mains levées. Au niveau des investisseurs, est-ce qu'il y a eu des promesses du gouvernement? Est-ce qu'il y a des fonds qui vont peut-être être débloqués à ce Oui. Bien, déjà, il y a eu une annonce là, par le gouvernement libéral. Philippe Couillard est venu lui-même annoncer ça. Là. Il y a un plan de ce qu'il appelle des zones industrialo-portuaires. Ce qu'ils investissent dans les ports pour attirer des investissements. Puis c'est un investissement de. Bien, il y aurait plusieurs zones comme celle-là. Là. Puis le programme en question correspond à environ 300 millions sur un appel d'investissement public. Puis il y en aurait peut-être une dizaine de millions ici là, pour Grand Anse. C'est vraiment. Puis ils appellent ça des zones industrielles ou portuaires. Mais ça, c'est préliminaire, mais peut-être qu'éventuellement le gouvernement déciderait de s'impliquer dans ce projet-là, comme ils l'ont fait en Anticosti, par exemple. Ça ferait plus du privé. Ben oui, je pense que c'est ça. Il y a, à un moment donné, GNL va avoir passé toutes les procédures, ils vont avoir un beau dossier, puis on va aller solliciter. J'imagine que ça se fait dans des cocktails. Là. Ils vont aller solliciter les investisseurs. Là. Ouais, je fais des blagues, là, mais ils vont aller solliciter des investisseurs privés, ils vont mettre ça en bourse, puis là, c'est là que. Mais évidemment, à ce moment-là, ils sont tous en concurrence les uns envers les autres. T'sais. Notre député fédéral est en faveur. Nous autres, nous avons parlé de ça dans un éco-quartier, le débat des candidats. Il était en faveur de GNL. Vous l'avez rencontré et puis. On lui a demandé de rester un peu plus sur ce qu'il va faire. Ouais. Philippe, oui. Le pipeline NRJS va être. En tout cas, une partie, c'est un gazoduc qui va être transféré en oléoduc. Comment ça peut affecter l'approvisionnement venant de l'Ouest? Pour ces Mais Gaz Métro avait sorti. Hein? Gaz Neutron avait sorti un moment donné pour contre ça. Il était contre NRJS, justement. Ça coupait leur approvisionnement, puis ils avaient demandé des compensations de la part de TransCanada. Sans doute que TransCanada va être obligé de compenser Gaz Métro pour les pertes de son réseau. Ouais, puis Gaz Métro va construire peut-être un autre gaz. Parce qu'ils vont vendre le réseau. Oui, ils vont prendre une partie du réseau québécois. Mais, tu sais, l'approvisionnement, je pense pas que ça affecte tant l'approvisionnement. Ils vont juste demander des compensations. Oui, oui. Non, parce que je veux dire, en tant que volume qui vient de l'ouest jusqu'ici, vu que tu perds 3 mètres de tuyau, ben, ouais. En tout cas, c'est la grosseur de tuyau, ça fait ça de moins de gaz qui va être acheminé. Mais c'est pour ça que Gaz Métro a demandé une compensation pour peut-être construire un autre gazoduc pour justement... je sais pas comment... Ça a été quoi l'entente, mais il va y avoir une entente, c'est sûr. Tu disais que dans le fond, dans l'Ouest, c'était 18 millions de... Oui, de mi-tonnes, oui. OK, en tout cas, peu importe le chiffre. Ouais. Mais c'est quoi la capacité du Canada à exporter? C'est infini, mais... Si on a déjà un dans l'Ouest, c'est... Ben, avant... Ben, malheureusement, j'ai pas de chiffre pour toi, là, mais... ce qu'on sait, c'est que l'Amérique du Nord est saturée. Là. On a trop de gaz. Il y en a trop, mais tu disais qu'il y avait plusieurs projets. Il y en a sûrement aussi aux États-Unis, en fait. Oui. D'exportation, fait que si ça exporte vraiment beaucoup ailleurs... Ben, c'est que, tu sais, de tous ces projets-là d'exportation, il y en a peut-être quelques-uns qui vont passer, puis on espère pas. En fait, on espère que la mobilisation, justement, t'en parlais, va jouer son rôle de garde-fou, là. Puis il va toutes les empêcher, comme on est en train de le faire avec les pipelines de sable-bitume. C'est l'objectif, qu'il n'y en ait même pas un qui passe. Mais effectivement, là, s'il y aurait, tu sais, s'il y avait aucune résistance populaire, c'est pas tous ces 20 projets-là qui verraient le monde. Ça serait possible, s'il n'y avait aucune résistance, n'est-ce pas? Ben effectivement, tu sais, t'as un projet, j'en parlais, Canaport, Nouveau-Brunswick, qui, à la place de coûter 7 milliards, coûterait 1 milliard. Puis ils feraient la même job. Pourquoi les investisseurs paieraient 7 milliards pour ici, alors que la zone est... En plus, il y a toutes sortes de contraintes environnementales à cause du statut du Beluga. La voie navigable est vraiment plus difficile. Là. Tu traverses un fjord, là. C'est quelque chose. Donc, c'est ça. Et non, franchement, c'est pour ça que tu fais la même analyse que bien des gens. Le monde regarde ça et puis dit... Comment ils peuvent espérer concrétiser, mettre ça au monde, ce projet-là? C'est ça que tout le monde arrive à la même conclusion. Avoir même une place sur le marché. Ben oui, tu sais, ils sont en concurrence. Parce que ce genre de projet-là, normalement, les normes sécuritaires, de sécurité, j'en ai parlé de la sécurité de ces installations-là, c'est mon prochain point, mais les normes sécuritaires demandent à ce que ces projets-là ne soient pas créés dans des endroits exigus. Comme un fjord, tu sais. Si il y a un endroit exigu, c'est un fjord. Même Rabaska est un endroit exigu, puis ouais. Temps, c'est sur le fjord. Bon, je pense à l'aspect de sécurité, puis je pense que ça va être dans mes derniers points, parce que, bon, on a parlé d'économie, on a parlé d'environnement, mais il y a un aspect de sécurité publique qui suscite d'ailleurs beaucoup de préoccupations des populations locales, parce que ces installations-là, c'est des vraies bombes. On comprend, c'est une matière extrêmement inflammable. À l'époque de Rabaska, on parlait d'un risque d'explosion autour du projet qui pourrait enflammer 2 km à la ronde. Tabarnak, tu sais. C'est des vraies bombes. Et ce risque d'explosion-là se trouve tout le long du trajet du gaz naturel liquéfié, donc autant dans les gazoducs, dans l'installation de l'usine de liquéfaction, et autant dans les bateaux. Commençons par les gazoducs. Il y a eu des cas d'explosion de gazoduc. Il y en a eu un le 6 septembre 2015 au Manitoba, dans une zone habitée. Ben, heureusement, il n'y a personne qui a été blessé, mais on parlait d'une explosion qui avait été visible jusqu'à 20 km à la ronde. Tu as vu le flash jusqu'à 20 km à la ronde. Malheureusement, au Texas, il y a des gens qui ont été moins chanceux. Il y a 5 adultes et 5 enfants qui sont morts d'une explosion d'un gazoduc alors qu'ils campaient près du gazoduc en question, là. Donc, des accidents comme ceux-là surviennent. Il y a un autre accident qu'on n'a pas parlé, qu'on a appelé, qui est survenu le 23 octobre 2015, qu'on a appelé le Deepwater Horizon de l'atmosphère. Tu sais, Deepwater Horizon, c'est la grande marée noire, le golfe du Mexique. Mais on a eu l'équivalent, mais au niveau gazier, où un puits de gaz naturel en Californie fuit massivement pendant 3 mois et a rejeté dans l'atmosphère du méthane, que je répète, est un gaz 21 fois plus dommageable pour le climat que le CO2. Donc, pendant 3 mois, a rejeté massivement du méthane dans l'atmosphère. Et l'incident lui-même correspond à la combustion de 7 millions de voitures à tous les jours aux États-Unis. À lui seul. On a vraiment... Ça a été... ça a été appelé là, le dépoiseur usine de l'atmosphère. Là. C'était colossal, puis c'est une catastrophe environnementale. Là. Tu sais, quand les scientifiques là, sont toujours surpris, là, les climatologues là, surpris de la vitesse des changements climatiques, puis ils sont là, hey, il me semble que le pont, ils font plus vite que nos prédictions. Hey, il me semble que le tergiversol, ils font plus vite que nos prédictions. Mais tu sais, quand tu as des incidents comme ça, alors... qui sont des imprévus, qui ne sont pas inclus dans les modélisations informatiques. Là. Parce que tu sais, les modélisations du GIEC, tout ça, ils incluent la croissance normale de l'économie, ils n'incluent pas tous les accidents, les imprévus de cette qui viennent avec cette pétro-économie-là. Donc ça, c'est un bel exemple. Ils n'ont pas été capables, c'est comme Deepwater Horizon, ils n'ont pas été capables de colmater. Les problèmes, c'est comme le gaz, ça doit être comme le pétrole dans l'eau, là. Ça doit être le gaz dans l'air, ça doit être... Il a fallu qu'ils creusent un autre puits pour comme dévier le gaz. Ouais, c'est une affaire de fou. Puis pour terminer avec les risques, les potentiels d'explosivité, là, écoutez, c'est ça, ces projets-là se présentent un peu partout dans le monde. Il y a des mobilisations, il y a des choses qui se disent. Un navire citerne lui-même présente des risques très élevés d'explosion. On parle d'un potentiel explosif équivalent à 700 kilotonnes, je me rappelle bien, 700 kilotonnes, 700 millions de kilotonnes. Attends, je vais juste vérifier ma statistique pour être sûr. On va tout sauter avec si ça continue. Parce que même moi, j'y crois pas, je vous jure, là, c'est colossal. Mettons une action terroriste, un de ces bateaux-là. Hein. C'est ça, 700 kilotonnes de TNT. Donnez une idée, là, la bombe atomique de Hiroshima, c'est 12 kilotonnes de TNT. Okay? Et là, le chiffre qui circule, c'est que ces navires-là auraient un potentiel explosif équivalent à 50 bombes atomiques. Même moi, mais évidemment... Le fjord va casser. Mais évidemment, il faut faire attention. Parce que c'est une espèce de gros trou là, comme à Beijing. Évidemment, il faut faire attention. Ça veut pas dire que... On pensait que c'est une météorite. Ça veut pas dire que si ça explose, ça explose l'équivalent de 7 millions de tonnes. C'est juste une conversion d'énergie en équivalent TNT. Puis, tu sais, même moi, j'y crois pas. Moi j'ai l'impression d'être un démagogue en disant ça. Tellement que c'est gros. Mais il y a des ingénieurs qui ont sorti ce chiffre-là. J'ai vu un reportage dernièrement pendant que je faisais des recherches. Je pense que c'est la BBC. J'ai entendu ça. Mais évidemment, l'industrie, à chaque fois qu'elle entend ce chiffre-là, elle sort, elle dit non, c'est pas vrai. Mais tu sais. Mais tu sais, rendu là, le débat il est un peu futile. Est-ce que c'est l'équivalent d'une bombe atomique ou de 50? Ben oui. Il me semble un, c'est déjà trop. Parce que en fait, le risque, c'est que ce gaz-là, il est sous pression, il est liquéfié. Et si jamais il y a une fuite qui s'enflamme, la chaleur générée va déliquéfier finalement. Parce qu'il faut, pour garder le méthane liquéfié, il faut qu'il reste à moins 162 degrés Celsius. Une petite chaleur suffirait à déliquéfier ce méthane-là, ce qui provoquerait une expansion excessivement rapide. Parce que le gaz liquéfié est 600 fois plus condensé que le gaz gazeux. Donc, tu aurais une expansion du gaz de l'ordre de 1 à 600 en dedans de quelques secondes. Ce gaz-là s'enflammerait par le fait même. C'est pour ça qu'on parle d'un risque d'explosion là, franchement inquiétant. Puis tu peux voir des... Il y a une vidéo là, qui circulait là, d'explosion de gaz naturel liquéfié. Il y en a eu. Il y a eu un cas en Asie, en Chine. Là, dans ce cas-ci, c'était un camion citerne. C'est vraiment impressionnant. Il y a eu un accident routier là, avec impliquant un de ces camions citernes-là, rempli de gaz naturel liquéfié. tu vois le panache de fumée, d'espèce de vapeur blanche qui s'échappe, puis là, il y a une... Pouf, tu vois l'ombre de chat. Ça a fait comme... c'est... Allez voir... Ouais, comme une bombe. Prends comme une bombe. Et comment tu réussis à filmer ça? C'est ça. Fait que c'est ça, faut comprendre, c'est ça. Et là, ces promoteurs-là, ils nous disent, oui, mais il n'y a pas de danger de... Il n'y a pas de danger de marée noire. Il n'y a pas de danger de marée noire. Il répète ça. Il n'y a pas de danger. Ça ne coule pas du gaz naturel liquéfié. Ça s'évapore. Il nous dit toujours ça. C'est ça. Là, il nous répète ça. Ah ouais? Savoir aussi que ces grands navires-là qui arrivent dans le fjord du Saguenay, là, ça ne carbure pas à l'eau. Ce n'est pas des bateaux à voile non plus. Donc, seulement juste par la combustion de des moteurs de ces navires. Énormément les gaz à effet de serre qui sont émis dans l'atmosphère au Saguenay, dans le monde. Ben oui, puis on peut se demander, tu sais, le bilan énergétique, toute l'énergie que ça prend de transporter ton, ben, d'extraire ton gaz, de le transporter, de le liquéfier. Est-ce que si on fait la conversion en joules, tout ce que ça a pris pour comme arriver à destination, puis l'énergie que fournit ton gaz, on peut se demander, tu sais, le bilan, est-ce que le bilan est rentable énergétiquement? On peut faire des nouveaux bateaux aussi, parce qu'à un moment donné, ben oui, tu sais. Économiquement, mais est-ce que c'est comme l'analyse de l'ONU, là, est-ce qu'il comprend les émissions de gaz à effet de serre, comme dans le débat d'Énergie Est, là, quand il disait qu'il incluait pas les impacts des gaz à la production jusqu'à la consommation? Est-ce que là, l'analyse est tenue compte de tous les impacts des gaz à effet de serre? Non. J'ai demandé, moi, justement, à l'Office canadien des régulations environnementales, j'ai demandé à ce que l'entreprise fasse ce bilan. C'est pas l'ONU, hein, c'est un autre organisme. C'est l'Office canadien d'évaluation environnementale. Moi, j'ai demandé spécifiquement, c'est pas l'Office national de l'énergie. OK. C'est un autre bureau, mais l'Office national de l'énergie va rentrer dans le décor de l'année. Ah oui, mais là, ça a eu un impact, le fait qu'il y ait un scandale autour de l'ONU en ce moment, même si le projet est dans notre rêve. Je peux pas le dire pour l'instant. Parce qu'il y a tout un bras de bas, ça change. Fait que je vais conclure avec ça. Lucie a fait tomber Alexandre Tachereau là-dessus. Puis aujourd'hui, on fait une commission Charbonneau. Demain, ça va recommencer. Tu sais, genre, les choses comme les scandales, ça part, ça vient, ça revient. C'est un peu le mode de. Le scandale, c'est la manière de diriger. Oui, mais c'est ça. Fait que je conclue avec ça, puis je lance une invitation, évidemment, ça pour réalisation, c'est ça, on est impliqué, ça, nous, on croit que c'est important de combattre ce projet-là, parce qu'on croit aussi à l'absurdité de nos dirigeants, et c'est important de le combattre. Fait que première invitation, allez liker notre page Facebook, là, Boréalisation, tout simplement. Puis si vous êtes intéressé, malheureusement, peut-être je vais prendre un crayon puis un papier, laissez-moi vos courriels, parce qu'éventuellement, entre autres avec Anouk, là, qui est impliquée à Coulpa chez nous, on veut bâtir peut-être une mobilisation citoyenne, un comité citoyen impliqué contre ce projet-là. On va avoir Facebook aussi, peut-être en parler. Salut en phase terminale sur Facebook. Ouais, exact. Allez, salut en phase terminale sur Facebook. Terminal, il est comme écrit avec une faute d'orthographe exprès, parce que c'est terminal, pas le. Le terminal de gaz. Le gaz. Ça met en phase entre guillemets et terminal. Juste, je veux plus de ça, gaz naturel. Ouais, c'est ça. Actuellement, on a 300 membres à règle de la page Facebook. Exact. Donc, si on peut monter, là, allez. Y a-t-il une action d'éclat bientôt? Si il y a des publications de rapport, je les enlève. J'ai publié l'événement d'aujourd'hui sur la page. Parfait. Vous l'avez déjà fait. Des pages de... Ah, ben tant mieux. Terminale, passe terminale. Il y avait une main levée ici. Non, mais j'ai fait ce que vous avez dit. Ouais. Main levée. Non, c'est correct, mais si... Non, non, non, main levée. Non, non, non, je trouve ça drôle. Je vais continuer la conversation. Non, vas-y. Mais j'aimerais ça savoir, en termes de... d'action puis d'opposition. Je sais pas si tu peux réellement faire un bilan de ce qui a été fait, puis je sais pas. Pour Énergie Saguenay? Ouais. Mais c'est ça, on est encore au début de la mobilisation. Aussi, on est dans un contexte régional. Je ne sais pas si beaucoup de gens viennent de Montréal. Il y a aussi ça qui est à considérer. Mais ça, on est encore au début de la mobilisation. Vos réalisations, on était un des premiers à sonner l'alerte sur ce projet-là. On a communiqué avec plusieurs personnes, surtout dans le milieu environnemental, pour alerter ces gens-là, finalement. Puis, effectivement, là, on fait beaucoup de sensibilisation comme ça, d'information, parce qu'il y a encore un silence qui entoure ce projet-là. Mais au départ, là, ils étaient carrément en train de se faufiler par la porte de derrière. Pendant que tout le monde regardait ce qui se passait avec Énergie Est, ben, les autres se faufilaient un peu par ici. Puis on a senti besoin d'intervenir, de prendre position. Puis là, on serait bientôt à l'étape de mobiliser des gens, parce que quand va venir le temps des consultations, on veut envoyer un message clair que ce projet-là n'a pas l'acceptabilité sociale dans la région. Est-ce que je peux compléter une... Oui. Donc, au début, ce qui est arrivé, c'est que, justement, on voyait que ce projet-là passait un peu en dessous du radar. Et dans le journaux, il y avait l'annonce que si on ne faisait rien, que finalement, les études d'impact de l'Office national, d'évaluation environnementale, passeraient par-dessus cette étape-là. Alors, moi et Philippe, on a mobilisé beaucoup de monde, on a fait des contacts, on a dit, parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'entreprises qui dépendent du fjord pour leur fonctionnement. Tu as les croisières du fjord, tu as les entreprises qui font du kayak sur le fjord, tu as les... L'industrie touristique. Le tourisme, le tourisme, etc. Et on a essayé d'alerter ces gens-là pour leur dire, écoutez, ça va avoir un impact sur votre... Sur votre mode de vie, finalement, sur vos activités. Ah oui. Et puis, on leur a demandé de faire des pressions auprès de l'Office pour que Énergie Est aille plus loin dans ses... Dans ses évaluations environnementales. Et on a réussi, finalement. Et on a rencontré des politiciens, puis on a rencontré... Comment de monde. J'ai une main levée là, puis... Est-ce qu'il y a une possibilité dans le futur, dépendamment des actions et de la présence médiatique qui va se développer dans le tour du projet, qu'il y ait des groupes pour, dans le style de résolu... Chambre de commerce. Des gens se prononcent pour le projet? Il y a t des gens dans la région, autrement dit, qui pourraient être poussés pour ça, là, tu sais, Ben oui. En dehors des acteurs actuels comme... L'administration portuaire de Saguenay. Le Saguenay, le maire, il n'a aucune crédibilité. Ouais. Ou l'administration portuaire de Saguenay a pris position pour le projet. Les chambres de commerce qui ont pris position pour le projet. Il y a plusieurs élus qui ont pris position pour le projet, autres que Jean. Syndicats, non, ils ne se sont pas prononcés. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne se sont juste pas prononcés encore. Pourrait. Tu sais quoi que c'est, ça représente pas beaucoup d'emplois. Ils font miroiter 1000 emplois pendant la construction, puis peut-être 400 emplois pendant l'opération, c'est ça. Par contre, ils remplissent les salles à l'année assez facilement avec la FTQ. C'est ça, fait que... Les syndicats ont des volets sociopolitiques, ça vaut la peine quand même de les interpeller. Oui, effectivement. Il y en a qui sont associés à des grosses centrales syndicales, puis d'autres aussi peuvent se prononcer. Oui, on va démarrer la roue pour que ça fasse de l'eau mieux. Ben, j'ai des bonnes relations avec la CSN Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, évidemment, c'est une organisation qui ne peut pas prendre position là, sans l'accord de ses membres, mais les gens qui sont là, je sais qu'il y en a plusieurs. Et c'est la FTQ Construction qu'il faut avoir. Oui, c'est ça. C'est qu'ils ne sont pas tous égaux en termes idéologiques. Ouais. Éric Dubois, il y avait 2 mètres tantôt. Ah oui, il y avait celui-là, c'est vrai. Oui, ouais, ben. Le chef dont parlait Michael Martin, oui. Et aussi un partenaire de GNL Québec et d'Énergie Saguenay. C'est vrai, les Inuits. Les Inuits de Michael ont dit qu'ils allaient s'opposer, donc fait partie Michael et aussi les Atikamekw qui travaillent avec eux, vont s'opposer à ce projet-là. Puis Michael avait dit que c'est important pour nous de le ramener ici. C'est vrai. Fait que c'est là mon intervention. C'est vrai, tu as un point. Parce Le traité Pétapan est. Selon toute vraisemblance, parce que le même chef qui est chef de négociation est aussi un chef qui est en partenariat avec la compagnie. Fait qu'il y a toute vraisemblance que c'est lié. Parce que ce qui porte à confusion, c'est que les trois chefs de bande de Pessamit, Espit et Machteyatch ont signé une entente avec GNL Québec. Une entente comme quoi ils allaient collaborer au processus d'implantation, de consultation du projet. Ils ont été payés ou? Ben, c'est qu'ils espèrent des redevances du projet à terme. Les experts profiter des redevances du projet. Puis, mais évidemment, ces conseils de bande-là n'ont pas agi avec le consentement de leur population dans, pour plusieurs d'entre eux. Ouais. Puis Michael, c'est un fervent opposant. À la contre-courant des autres communautés autochtones qui se mobilisent contre Énergie Est. Ben, là, en ce moment, il y a beaucoup de mobilisation des communautés. Ouais. Contre l'énergiste. Plusieurs autochtones avec qui j'ai parlé depuis cette déclaration des chefs qui se mobilisent contre le pipeline, ils disent pas en prendre, pas en laisser. Parce que c'est des chefs qui souvent vont dire ça d'un bord puis signer des contrats de l'autre. Il aurait voté pour le milliard. Ben c'est ça. Oui. Pas chez nous, mais c'est à l'ordre de chef avec la 7-0 pour comme laisser tomber notre morale. Moi, j'avais une question sur les stratégies de mobilisation. Vous avez parlé des contacts, des stratégies médiatiques que vous avez employées. C'est quoi des choses qui peuvent être critiques, ouais. Là. Mais c'est quoi les prochaines étapes que vous voyez en termes de mobilisation des gens? Parce qu'à un moment donné, on peut pas. On sait que ce n'est pas juste une affaire de contact, ce n'est pas juste une affaire de représentation médiatique. Mm-hmm. Un projet comme ça, ça prend un certain nombre d'actions concrètes qui peuvent être posées. Puis, de quelle manière vous les pensez actuellement? Ou est-ce que vous avez des plans, des idées? Bien, la première étape à toute mobilisation, c'est de s'organiser, donc d'organiser des citoyens pour justement avoir les capacités à un moment donné de passer à des actions concrètes. Je pense que moi, ce que j'ai beaucoup poussé là, dernièrement, c'est que il y a comme une grande discussion démocratique, ou en guillemets, il y a comme un grand débat public au Québec en ce qui a trait au transport d'hydrocarbures. Évidemment, ça se concentre beaucoup sur Énergie S, sur le pétrole. Il y a aussi Enbridge, la ligne 9B, tout ça. Puis moi, ce que j'ai beaucoup poussé, c'est d'inclure le projet Énergie Saguenay dans ce grand brassage-là qui a cours en ce moment au Québec, puis de décloisonner finalement cette mobilisation-là du Saguenay là, pour que ce projet-là soit abordé au même titre qu'Énergie S, par exemple, ou les autres projets au niveau québécois. Parce que malheureusement, c'est ça, le projet jusqu'à maintenant jouit trop de l'ignorance des gens. Les gens sont tout simplement pas au courant de ça. Même dans les cercles militants, même dans les cercles écologiques, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. Donc c'est la première étape. Tu sais, la campagne visuelle pour pas chez nous, ils ont des logos, il y a des pancartes, puis le monde affiche sur leur balcon qu'ils veulent pas l'oléoduc. Hein. Peut-être qu'on serait peut-être rendu à faire du visuel puis que les gens s'affichent contre le projet de GNL. Ça pourrait être de quoi? C'est d'avoir vraiment « gaz pas chez nous hein. ».« Gaz-nous pas ». Une manif de kayak, là. Une manif de kayak. Oui, pousser le côté c'est l'éducation. Oui, je l'ai fait dans le camion. Justement, je veux dire, ça, c'est des choses que les gens se rendent compte. Et oui, je vais faire du kayak. Et oui, je vais me promener, tu sais, dans telle piste cyclable ou whatever. Tandis que si tu restes avec pas de cible de ça chez nous, c'est plus, c'est du gaz, c'est encore moins visible. Tu peux même pas parler de débranchement, tu sais, dans quelque chose de visible. Tu sais, l'explosion, elle serait visible, mais je veux dire. Fait que vous y allez peut-être au niveau touristique. La verrais, tu sais, qu'est-ce qu'ils peuvent perdre, toutes ces, toute la beauté du fjord, là, qu'est-ce qu'ils peuvent perdre, je veux dire, ça serait quelque chose. C'est très bien, ça. Il y a pas un projet de route bleue, sur le visuel, ouais. Tu sais, ouais. Tu pars, non pas le gaz, mais tu sais, je veux dire, il n'y a plus de canaux ici, tu sais, je veux dire, bientôt, il n'y aura plus de possibilité de canaux. Est-ce qu'on a des dates pour ce projet-là? Oui, l'échéancier. Eux autres, ils projettent le début des travaux en 2018, puis le début des opérations en 2020. Là, en ce moment, ils sont à l'étape de la conception, la rédaction de l'étude d'impact environnemental. Puis ça, on a peut-être encore un sourcil là, de quelques années, là. Un an ou plus, là. Avant justement qu'ils passent à la prochaine étape. Donc, c'est l'échéancier qu'on a. Donc, on a encore du temps pour s'organiser. Puis, il faut prendre le temps de bien s'organiser pour avoir un bon réseau. Puis, d'aller chercher des appuis chez les syndicats, chez l'industrie touristique. T'sais, on parlait, ils nous font miroiter peut-être 300 emplois, 300-400 emplois pendant la phase d'opération de l'usine. Mais l'industrie touristique dans la région emploie combien de monde? Quoi, 1500 environ? 1500 emplois? Si on ne peut plus circuler sur le fjord, est-ce qu'il y a des gros bateaux à certaines heures, à certaines époques? Ben oui. Ces emplois-là qui sont perdus, puis ils ne seront pas tous recyclés dans les 300. Puis cette industrie-là, elle dépend beaucoup de la présence de ces mammifères marins-là. Est-ce que les gens viendraient voir les baleines à Tadoussac s'il n'y a plus de baleines? Les bateaux à 300 mètres. Donc, dans le parc national aussi, tu vois, ce bateau-là, arrivé à ouais. la statue, là, tu verrais un espèce de gros monstre passer dans le ciel. Ça n'aurait pas plus le droit d'être là. Combien d'emplois? T'auras plus le droit d'être là. Je sais pas, mais avant bon. De De quoi tu parles? D'avoir trop un de maladies, puis de gens malades, tout comme nous autres. Tout doit être expliqué. Comment ça? Aussi, oui. Ah, ouais, aussi. C'était juste, il y avait deux questions. La première, ça aurait été justement comment on articule, ça aurait réfléchi ton truc d'énergie S sur le projet spécifique d'énergie Saguenay, c'est comment on fait pour articuler une lutte spécifique contre un projet, être capable de faire des autres projets en cours, être capable plus globalement de parler par exemple des types d'économies qui sont mis en place, bref, du monde dans lequel on habite, puis d'essayer de vivre des vies plus désirables, mettons. Mais il y avait ça. Sinon, l'autre aspect que je me demandais, c'est à travers ça, on parle toujours d'alliance, mais c'est que le type d'alliance qu'on tisse, moi, je sais que ça structure après le type d'action, le type de discours qu'on va faire. Mm. Là, c'était les propos sur l'industrie touristique, que je peux tout à fait comprendre, effectivement, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais en même temps, en termes de rapport à la nature et au monde, je ne sais pas quoi, le tourisme en tant que tel n'est pas nécessairement ce qui est le plus désirable non plus. Il y a même, à la limite, je trouve que c'est. C'est toujours ce truc de présenter l'environnement comme étant quelque chose de beau, de joli, d'esthétique. Puis de vendre à des gens à l'extérieur pour qu'ils viennent prendre des photos et qu'ils repartent après. C'est comme l'autre facette pour moi du champ de pétrole qui détruit tous les oiseaux, je ne sais pas quoi. C'est le même type de rapport qu'on entretient avec la nature. Ça ne rompt pas radicalement avec la manière dont on vit. Mais bon, après ça, je comprends ce que tu veux dire. T'sais, après ça, il y a effectivement une grosse remise en question de plus profonde à avoir. Là. Oui, mais après ça, il y a comme un impératif qui est urgent, qui est celui d'arrêter ce projet-là. C'est toujours ça, encore. C'est ça. Mais... Il va en avoir d'autres. Oui, je sais, mais t'as raison qu'en termes de fond, il y a effectivement une remise en question plus profonde à avoir. Réfléchir aux échecs. Nos quoi? Réfléchir aux échecs. Comme les minières, malgré l'opposition citoyenne. Oui, effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres types d'opposition qui devraient plus solidifier que cette opposition citoyenne qui est quand même un peu toute l'Est, comme disait Zimbabwe?